Ce soir, c'est la première fois que je danse seul avec toi. Dans mon caleçon, je suis à l'étroit. J'ai une gueule de lama. J'ai le jean qui me garrote la queue. Je te jure, c'est très douloureux. Vivement la libération, que je te l'enfonce dans le fion. Je sors de la rue Fabien, je t'en avais plein les dents. Sur un tube de Florent Pagny, je tenterai la sodomie. Sur l'air de l'été indien, je te casserai le bassin. Sur un air de mille trousseaux, je te l'avancerai jusqu'à l'os. Quand à la fin de la soirée, il passe un slow de Maria Carey. J'ai plus de chiffres dans mes hauts sons. J'ai tout déchargé dans mon caleçon. Vivement qu'il passe un tube de trance, que je nettoie ma carte de France. À moins qu'il ne passe Rebelle, Rebelle. Et là je ferai la tour Eiffel. De la rafa bien, je t'en enverrai plein les dents. Sur un tube de Florent Pagny, je tenterai la sodomie. Sur l'air de l'été indien, je te casserai le bassin. Sur un air de mille trousseaux, je te l'avancerai jusqu'à l'os.